Wishiti, le palais. Connétable, architecte. Connétable et architecte et baïfouiche de haut rang. Si nous sommes réunis ici en ce soir où les torches resplendissent dans nos grandes cavernes, c'est pour honorer un héros. Oh, un héros. Qui le peuple, là? Je crois qu'il parle du bâtisseur. Il a survécu aux rats. Il est parmi nous pour nous prouver que les rats ne sont rien d'autre que de pauvres rats. Cette soirée est dédiée au grand héros de Witch City, Rosencraft. Merci, merci, merci beaucoup, moi aussi je vous aime. Maintenant, tous au buffet. Ouais, tous au buffet. On va manger, tous au buffet. J'ai horreur de ces soirées. Ah, Mila, ma très chère fille. Viens, je vais te présenter au héros. Oh non, père, vraiment non. On va pas le déranger. Beaucoup de monde veut lui parler. Mais enfin, Mila, ne fais pas ta timide. Et alors, j'ai vu les rats qui passaient comme ça, avec leurs grandes dents. Je n'ai pas eu peur une seule seconde. Rosencraft. Oh, quel héroïsme. Rosencraft. Excusez-moi de vous déranger, mais enfin, je voudrais vous présenter quelqu'un. Mais oui, bien sûr, grand dirigeant. Si vous voulez bien m'excuser, monsieur. Il n'y a pas de mal. Voici ma fille, Mila. Ah, enchantée. Depuis le temps que j'ai rêvé de vous rencontrer. Witch City, le même soir, mon appartement. Quand les rats allaient-ils attaquer? Quand allais-je disparaître? Je ressassais toute l'histoire depuis le début sans comprendre le pourquoi du comment, sans discerner le vrai du faux, le réel de l'irréel. Au début, je n'étais qu'un baïfouiche, qu'un creuseur qui n'avait pour seul but que de creuser la roche pour créer de nouvelles cavernes et ainsi agrandir Witch City. Puis le grand trou, la promesse d'un nouveau monde aussitôt occultée par notre grand dirigeant. L'arrivée de Mila, celle des rats. Mila. Sur le balcon, j'observais le jeu des métros aériens, des chariots personnels qui se croisaient sur les rails en hauteur, des buildings qui se dressaient parmi les stalactites. J'observais mon ancien monde, l'univers que j'allais quitter. Pas seulement ça, j'allais quitter Mila. Mila est sûrement la femme la plus convoitée de tout Witch City. Je le sais, grand dirigeant. Et c'est un honneur pour moi que de pouvoir admirer ses yeux aussi brillants. Je vous remercie, Rosencraft. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Tu es flatteur. Sois douce avec lui. Je vais lui offrir un poste important au gouvernement. Et peut-être que toi et lui... Vous... Père. Eh bien, quoi? Voulez-vous un verre? Non, merci. Il y en a déjà plein dans le palais. J'en trouverai bien un qui me convienne. Je vous laisse tous les deux. Parlez avenir, mes enfants, car c'est vous qui l'avez entre vos mains. Cette soirée est la vôtre, Rosencraft. Faites-en ce que bon vous semble. Merci, grand dirigeant. J'ai affaire, Rosencraft. Non, restez, je vous en prie. Votre compagnie m'est agréable. Votre père vous l'a demandé. Tenez, prenez un verre. Merci. La fille du grand dirigeant. Vous êtes la grande dame de Witch City. Oui, on peut voir les choses comme ça. Alors, comme ça, vous avez vu les rats? Oui, vous aussi, n'est-ce pas? Comment ça? Oh, rien. Des rumeurs qui circulent chez les creuseurs. Je dois vraiment y aller. Je suis désolée de vous abandonner à tous vos admirateurs. Non, s'il vous plaît. Je n'ai pas combattu les rats pour me faire reconduire aussi rapidement. Vous? Vous auriez combattu les rats? Laissez-moi rire. Eh bien, allez-y, riez. Non, pas en public. Les gens ne comprendraient pas à quel point vous êtes pitoyable. Vous allez revoir Squeak, n'est-ce pas? Ce pauvre petit creuseur de merde. Qui je vois, à ce que je sache, ne vous regarde pas, Rosencraft. Il y a encore 5 jours, vous n'étiez rien qu'un bâtisseur aux yeux de mon père. Et aujourd'hui, je suis un héros. Mais est-ce que vous le méritez, Rosencraft? Est-ce que vous méritez tant d'éloges? Quoi que vous ayez dit, Squeak, c'était faux. Il a décollé comme un lapin face au rat. Mais pas lui, le héros Mila. Vous vous trompez de favori. Je suis resté pour combattre les rats, moi. Je n'ai pas fui. Cette discussion s'arrête là, Rosencraft. Maintenant, excusez-moi. Allez-vous-en, chère Mila. Mais bientôt, c'est moi qui déciderai de la fin des discussions. Oh, Rosencroft, celui qui a échappé au rat. Vaincu, on peut le dire. Quel honneur de pouvoir discuter avec un héros. Wesh City. J'y avais vécu si longtemps. J'y étais retourné si souvent, chaque soir après nos dures journées de creuseur. Et Wesh City risquait de disparaître sous les griffes des rats. La porte s'est ouverte. Il n'y avait qu'une seule personne pour faire ça. Je me suis retourné. Booz avançait dans le salon hésitant. Ah, t'es sur le balcon ? Bonsoir. Enfin, on sait pas quand les rats vont attaquer. Je me disais... Enfin, une petite bière d'orange avec des verres frits, ça te tente ? J'ai acquiescé. Le calme avant la tempête. Oh,